Maëlle Bajouni de l'association La Plateforme. Donc La Plateforme, c'est une association qui travaille sur la qualité des interactions au sein des collectifs, en partant du postulat que la qualité des interactions est essentielle au développement et à la pérennisation des structures de l'économie sociale et solidaire. En quoi cet objet s'inscrit dans la transition citoyenne? Mais en fait, en accompagnant sur les méthodes de coopération, le but, c'est d'accompagner surtout la transformation sociale qui est visée par la transition citoyenne. Quels sont, je vais passer directement à nos besoins. Nous, on a besoin de ressources, voilà. Donc, on a besoin de ressources parce que les expériences de chaque collectif servent à soit aux autres, en fait. Et ce qu'on essaie, c'est vraiment de se faire de collecter le plus d'expériences possible pour les mettre à disposition, pour pouvoir alimenter justement les cheminements de tous les collectifs qu'on rencontre. Voilà.